tu peux vivre plusieurs émotions différentes. En voix sympathique, tu peux avoir peur, peut être énervé, peut être excité, peut être en maudit, peut être en colère, mais c'est les mêmes expressions physiques. Et tu peux être calme, être heureuse, être relaxé, être en méditation, mais ce sont les mêmes réactions physiques. Puis comment faites-vous pour déterminer quel genre d'émotion tu vis? Très banal. Tout à l'heure, on a vu que l'ego était pluriconstitué, donc il y a plusieurs morceaux. La peur, la paix, il y a pas quels morceaux. Ces morceaux-là viennent s'exprimer par les voies endocriniennes, les voies thalamiennes. C'est pas trop compliqué. Ils viennent s'exprimer par une voie corporelle et elle s'exprime. Si vous vivez une expression corporelle par voie sympathique et que c'est la partie colère qui est présentement en lecture, vous allez savoir que vous êtes en colère. Si vous êtes en train de vous faire la même expression physique et c'est la partie peur qui est en lecture, vous allez avoir peur. Même chose pour la partie parasympathique. Alors, il faut muter. Première mutation à faire, souvent, c'est fusionner l'ego, éliminer toutes les petites maudites parties pour que vous finissiez par être homogène, être une personne stable. Puis déjà, si on est stable, on a encore de l'ego, est-ce qu'on peut commencer à faire des voyages transtemporels ou ça prend plus que ça? Un petit peu plus, mais tu as encore de l'ego. Mais il y a des petites mutettes qu'il faut, il y a des compréhensions au niveau de la conscience, il y a des choses qui doivent changer. Mais premièrement, être stable. Être stable, ça veut dire que tu es toujours colérique, tu sais, stable. Ou tu es toujours en mode parasympathique. Bon, puis la stabilité, évidemment, vous allez rester avec des petites parties, mais plus homogènes. Ça veut dire que il pleut, tu chiales de même. Puis quand il fait beau, tu es content de même. Puis, une forme de stabilité, d'homogénéité. Ça, c'est déjà un départ, parce que sans ça, vous êtes toujours en train d'être, vous allez toujours devoir mentalement contrôler les parties de votre ego que vous ne voulez pas avoir. En tant qu'il n'y a pas une homogénéisation de l'ego, il y a des façons de le faire aussi. La mutation, déjà, c'est une mutation au niveau de l'ego. Parce que tu es heureuse, tu es heureux, puis mais 3 heures après, tu es en tabarnouche, tu sais pas pourquoi. C'est l'autre partie qui vient se nourrir. Puis à un moment donné, bien là, tu as besoin de sucre, c'est pas une physique, tu as besoin de ceci. Puis 2-3 heures après, bien là, il faut peut-être piquer quelqu'un un petit peu, tu peux le narguer. Il y a une autre partie qui vient se nourrir. Mais là-dedans, la mutation est lente et pénible. Il faut qu'on arrive à homogénéiser suffisamment l'ego. Ça se fait ça par la parole, ça se fait par évidemment les mutations mentales qui vont finir par instruire l'ego. Bon. Quand la mutation de l'ego est suffisamment avancée, il va y avoir une mutation vitale. La mutation vitale va engendrer la mutation physique. La mutation, ça veut dire que vous devez être capable. La mutation, c'est contre nature. La mutation, ça veut dire que vous devez devenir des êtres anormaux. Et pas psychologiquement uniquement. Ça veut dire que progressivement, vous devez être. La mutation fait en sorte que, plutôt, la mutation fait en sorte que plus ça va aller, plus vous allez changer de désir, de goût, de besoin émotif, affectif, au niveau de votre vie. Vous allez changer, il y a un paquet de concepts qui vous permettent de voir les structures du monde qui changent. Ça fait qu'à un moment donné, les guerres, vous allez trouver ça de plus en plus stupide. Ça fait qu'à un moment donné, vous allez trouver que telle chose, c'est pas ça. Et ça crée le problème de l'espèce de paradoxe où progressivement, vous vous retrouvez dans le mauvais temps, dans le mauvais chronotype. Là, il y a déjà mutation. Mais la mutation n'est pas encore assez forte. Ça veut dire que maintenant, vous avez des nouveaux concepts, vous êtes capable de jouer avec, mais la mutation s'est faite au niveau du mental, à quelques places au niveau de l'astral, mais ce n'est pas encore votre identité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore en réelle démarche pour finir la mutation. Ce sont des petites mutettes. Par exemple, je me rends compte que de temps en temps, je finis par me rendre compte qu'effectivement, manger des mauvaises choses, ce n'est pas bon. Mais de temps en temps, ben, je vante les mérites de « Oh oui, mais tu sais, il ne faut quand même pas exagérer. Il faut quand même se payer à la traite de temps en temps. C'est pas, tu sais, puis il y a plein de monde qui mange mal. » Là, tu es en train, là, c'est pris avec une partie de ton ego qui est muté. Toutes les mécaniques de contre-mutation. Mais tu as aussi l'autre exemple de la personne qui dit c'est pas bon de mal manger, puis qui a beaucoup, beaucoup de contrôle. Là. Elle mangera pas mal, puis ensuite, c'est pas bon de chicaner. Arrête 2 secondes. Est-ce que c'est correct d'avoir beaucoup, beaucoup de contrôle? Ben non, c'est ça. Donc, cette personne-là n'est pas en mutation. C'est ça, mais elle, si tu veux... Non, je m'en fous, moi, d'elle. Ça, je comprends. Non, moi, je parle pas de la personne qui pense qu'elle vient de rencontrer telle affaire, puis qui tripe là-dessus. C'est pas d'elle que je parle. Je parle de gens qui sont suffisamment terre à terre. Bon, si on parle de mutation pour changer outre l'ego, ou bien vous allez devenir de plus en plus mauvais ou mauvaise, ce qui va vous permettre de changer, vous ramasser dans un temps où Adolf Hitler gagne la guerre, allez souffrir en masse, ou bien vous travaillez vers quelque chose qui est plus axé vers l'intelligence. Et normalement, la mutation s'axe vers l'intelligence parce qu'elle est accélérée par le contact avec l'intelligence. En allant vers l'intelligence, automatiquement, il y a des gens, évidemment, qui vont jouer les choses. C'est pas des gens qui mutent. Les gens qui mutent sont des gens qui prennent conscience, une nuance, entre apprendre et prendre conscience. Ce sont des gens qui, aussi, vont voir la lutte à l'intérieur d'eux et qui n'aimeront pas cette lutte. Il y a des gens qui vont la tolérer, qui vont trouver que c'est normal. Il y a des gens qui trouvent que les disputes dans le couple, c'est sain pour le couple. Ah oui, c'est vrai que c'est sain pour le couple. Les psychologues le disent, c'est vrai. La nature humaine étant à la misère et à l'autodestruction, c'est sain que le couple s'engueule de temps en temps. Parce que ça permet la misère et l'autodestruction. C'est vrai. Puis c'est totalement vrai. Ils ne savent pas la portée de ce qui est dit, mais c'est ça. Bon. Quand on dit crime, elle fait quasiment exprès pour avoir des mauvais coups. Elle fait exprès. C'est ce qu'elle veut. Si on est dit, elle va dire non. Mais on constate. La mutation, ce qu'elle va faire, c'est que l'individu le voit, et l'individu qui veut, qui est pris dans ce feu, où progressivement, tu es de moins en moins dans ton monde, dans ton bon chronotype, l'individu, pour accélérer la mutation, doit s'arranger pour appliquer au maximum l'intelligence de ce qu'elle vit. La problématique, c'est que l'être humain est manipulé de A à Z. Mais manipulé pas par un manipulateur, un grand vichou célestin qui manipule l'humain, mais manipulé par des lois, par des mécaniques, par des obligations, par la nature. L'être humain manipulé, tu ne peux pas sauter 25 pieds de haut, comme ça, pouf, 25 pieds de haut. Tu peux pas. C'est une limite. L'être humain manipulé par ses limites. Puis les limites sont des limites majeures. Ce sont des limites, par exemple, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas supporter plus qu'une petite dose de bonheur. C'est une limitation. Mais vous avez par contre besoin d'autres limitations. De sommeil, de nourriture, de ceci, de cela, de violence, d'un paquet de choses du genre. Alors, l'être humain doit travailler quand l'humain, puis l'humain, ce qu'il va faire, puis moi, je le dis, en le disant nécessairement, je donne des informations, ça crée des mécaniques énergétiques au niveau des structures de mutation des individus, ce qui fait en sorte que ça rend les individus plus mutables. Donc, on peut dire, vous devez faire l'effort de, même si l'humain ne peut pas faire l'effort de, mais quand on rentre dans l'humain, la procédure faire l'effort de, il finit par faire la chose. Évidemment, l'ego va se rationaliser en disant, j'ai fait l'effort de. Mais tu fais l'effort de seulement quand tu peux faire l'effort de. Tu restes manipulé pareil. On glisse latéralement. Tout le temps. Mais là, ce qui arrive, c'est que plus tu commences à muter, plus vous allez vouloir appliquer l'intelligence dans un monde qui semble ne pas en vouloir, plus ce monde va vous rejeter. Et plus vous allez rejeter le monde, mais nuance, il faut faire attention, rejeter le monde et se faire rejeter par le monde, ça veut dire glisser latéralement. Ça ne veut pas dire être en plein dans le bon chronotype puis souffrir au bout parce que plus personne ne veut me parler puis moi j'essaye tout. Là, vous êtes dans le bon chronotype. Vous voulez la souffrance, vous voulez la misère, c'est ce que vous avez. Vous êtes simplement plus professionnel. Bon, mais c'est ça que vous voulez. Ah, il y a une maudite nuance. Et c'est ce qui arrive souvent, c'est que les gens comprennent des choses, glissent pas assez, parce que l'ego n'est pas assez humble, l'ego n'est pas assez égoïsé, il n'est pas assez petit. Alors la personne ne glisse pas assez, et finalement, elle va inconsciemment, évidemment, se complaire à travers la phase de transition entre l'ère nouvelle, c'est-à-dire un allochrone, un monde différent, et l'ère actuelle, qui est le temps qu'on a actuellement, qui est le monde qu'on connaît. Ça veut dire que les personnes utilisent l'information que tu vas amener pour souffrir plus, se frustrer. Mais ça, ils le font des yeux, ils le font de moi, ils l'ont fait de tous les précurseurs en avant. Les gens prennent de l'information et les gens souffrent. Prends quand je disais souvent, le Nazaréen, quand il disait au monde, aimez-vous les uns les autres, là, ben, personne ne peut appliquer cela. Puis quand l'autre, Barabbas, on s'en va le voir, puis qu'il veut en faire le chef de sa guérilla, puis que mon Jésus lui répond, tu dois aimer tes ennemis. Écoute, il n'était pas dans le bon monde, lui, là. Mais c'est ça, il n'était pas dans le bon monde. La preuve, ils l'ont charcuté en masse et il s'est servi de cette stratégie-là pour changer le monde. Bon, le Nazaréen. Par gravité, il y a des gens qui sont partis avec lui. Il y en a qui ont dû utiliser les mêmes techniques. Puis il y en a d'autres qui sont finalement jamais partis, qui sont restés dans le monde de la souffrance pensant qu'ils partaient. les traces des gens qui ont passé, dans certains cas, c'est les traces qu'on retient d'eux. Le Nazaréen, est-ce que vous vous rappelez quand il était un petit garçon, quand il était bébé, les mauvais coups qu'il faisait, les farces qu'il faisait? Est-ce que vous vous rappelez de lui quand il était adolescent, quand il narguait ses parents, quand il était toujours en train de les obstiner, puis lui expliquer plein d'affaires, blablabla, puis les parents ne comprenaient rien, puis il disait aussi qu'il prend ça, puis le Nazaréen faisait. Vous n'en rappelez pas, hein? Mais vous vous rappelez de quoi du Nazaréen? Quand il est planté sur une croix, on l'appelle le Seigneur, c'est pour ça qu'il saignait. Quand il est planté sur une croix, avec une couronne d'épines, on se rappelle de sa misère. C'est ça qui nourrit notre monde. Non, mais les autres, ils se rappellent qu'il n'a jamais nargué ses parents, puis qu'il n'a jamais. Je veux dire, cet enfant-là, il est. C'est était... pas le monde! C'est un enfant qui était vivant. Il était parfait quand il. Oui, mais on ne se rappelle pas de sa perfection, on se rappelle de sa misère. Gandhi, on se rappelle de quoi? Oh, c'est le gars qui jeûnait! Ah, il était bien mais. Il est mort assassiné! Je te rappelle de sa misère! Mais ça, c'est ça qui nourrit notre monde! Pourquoi les nouvelles tout le temps, c'est des mauvaises nouvelles? Dernièrement, je voyais quelqu'un qui écoutait des nouvelles du Rwanda, puis qui, à un moment donné, il se dit, « Tanné, je suis tanné de me nourrir de ça. Ça, ça me garde dans ce foutu monde. Clic, clic, clic, clic, clic. » Là, c'est un film, puis c'est un film où ça s'obstine un peu. La personne, je ne peux plus me nourrir. Clic, clic, clic. Je veux plus me nourrir de ces conneries-là. Et plus la personne va se nourrir de bien, plus elle va glisser. Parce que nécessairement, elle va changer ses concepts, elle va devoir changer son ego. Mais évidemment, on parle d'une personne qui n'applique pas ce que Daniel Kim dit parce que X a l'air beau. Parce qu'elle va rester dans son monde, elle va essayer d'écouter du bien, elle va trouver du mal, elle va souffrir, elle va avoir des raisons pour chialer sans arrêt, donc pour être misérable. Et ça s'applique uniquement aux individus qui ont la solidité énergétique suffisante pour supporter l'intelligence de la mutation. Et ça, il y a de plus en plus d'individus qui vont l'avoir. Il y a de plus en plus. Il va pas le dire, c'est pas notre option, on va changer un petit peu. Il y a de plus en plus d'individus, c'est pas plus facile. Et de plus en plus. Et là, je farce. Donc, il y a de plus en plus d'individus qui vont avoir la possibilité de changer de chronotype. La seule différence qu'il y a, c'est que vous allez changer de chronotype en fonction de vos mutations égoïques, de votre anégoïsation. L'anégoïsation peut prendre 2000 ans. Puis, évidemment, pourquoi tu dis ça 2000 ans? 40 000 ans. Mais, disons, alors, ça fait que on a encore du temps pour glisser. Mais tu sais pas, ça fait déjà 30 000 ans que... Je sais. Et... il y a des individus qui peuvent voyager consciemment, volontairement, dans le continuum. Ces individus-là, pour qu'ils puissent le faire, doivent muter. Et ces individus-là sont même capables, par la suite, de transporter des individus à travers le continuum dans des régions qui vont permettre l'accélération de la mutation de ceux qui, nécessairement, ont commencé à muter. Donc, ceux qui ont commencé à négoiser. Ce que je veux dire par là, c'est que le bon ne peut pas contenir du mauvais. Là, on prend des exemples très, très, très dualistes, là, mais ça explique. Alors, si par exemple, vous avez encore besoin de regarder des films de guerre ou regarder les journaux pour les atrocités, un instant, je ne vous dis pas, si vous ne les regardez plus, vous mutez. Mais non, si vous n'avez plus besoin de les regarder, le processus de mutation est en cours. C'est un exemple. On mute sur un paquet de fronts en même temps. Là, je vous parle d'un front. Mais à un moment donné, quand vous n'avez plus besoin de les regarder, votre structure fait que vous avez un centre de gravité qui va lentement vous amener vers un monde où il y en a moins de cochonneries. Parce que vous allez devoir survivre. La première mécanique de survie va être de vous ramener à voir les horreurs ou les stupidités, de relire les choses. Il y a un joueur de football qui vient de violer son enfant. On lit ça, c'est écœurant, puis on lit, on aime ça. On se nourrit de ça. On retient quoi de la majorité des gens? Leur misère. On aime. On aime. Et on la cherche. Et quand on ne la crée pas. Hein? Bon. Quand on n'a plus besoin, quand on n'a plus le besoin de s'alimenter de ça, quand les romans qu'on va lire, c'est plus des romans où tout va mal, puis ça finit mal, puis ça finit bien, pour être capable de compenser un petit peu. Les films d'amour, où est-ce que ça, on peut être pendant 2 heures de temps, non, maintenant, il aurait rétréci ça. 1 heure et demie de temps, tu sais pas s'ils vont se marier ou pas, puis à la fin, ils se marient, puis dans, ensuite, ils divorcent. Quand on n'a plus besoin de ça, on est déjà en train de changer. un instant. Quand on n'a plus besoin, là, ça ne veut pas dire quand dans votre tête, vous dites que moi, j'en veux plus. C'est pas ça. C'est quand même, ça veut dire ça va jusqu'au corps physique, quand même. Quand on ne recherche plus, mais la nature de l'humain travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup contre. Mais là, l'idée, c'est que la personne est déjà en phase de mutation mentale. Mais pour que tu puisses avoir un déplacement temporel, il faut que tu en sois rendu au début de la phase de mutation physique. Là, tu peux effectivement apprendre à contrôler les mécaniques de transport temporel. Vous voyagez dans le temps sans arrêt avec en astral, en voyage astral. OK. Avec l'imagination. On voyage dans le temps sans arrêt. Sauf que quand vous voyagez dans l'astral dans le temps, vous ne pouvez pas revenir avec la coupe du Saint Graal. Et quand voyagez dans le temps par transport séraphique, c'est-à-dire avec le corps physique, là, vous pouvez aller piquer la coupe à Arthur. Mais non, mais il l'a perdu de toute façon. Après ça, vous voulez la voler une demi-seconde avec la perte. Ça ne va rien changer dans son affaire. Et vous, ben, on la coupe. Mais dès qu'on est en mutation, déjà, on se déplace dans le temps, mais on ne le contrôle pas. Non. C'est quand on commence à muter au niveau physique que là, on peut commencer à le contrôler. Oui, à la condition, évidemment, que tu te sois formé au voyage dans le temps. C'est-à-dire que tu comprennes ce que c'est que le temps. Mais si tu es rendu là, il faut nécessairement que tu comprennes. Oui, nécessairement. Il y a des gens qui sont presque prêts ou prêtes à pouvoir se déplacer dans le temps. Mais étant donné que pour eux autres, le temps, tu ne te déplaces pas là-dedans. Ils sont sur une autoroute qui fait un paquet de sinus, qui est sinusoïdale, puis qui finalement revient à côté d'eux autres, là où ils vont aller. Mais pour ces personnes-là, ils sont toutes parfaites. Ils pourraient prendre le champ et arriver directement à leur destination. Mais ils n'ont pas le concept du champ. Ils ont le concept de la route. Alors, ils suivent la route. Il faut absolument qu'il y ait une instruction qui soit faite. Absolument. Il faut aussi qu'ils se rendent compte que, écoute, tu peux te véhiculer par là aussi. Mais il n'y a pas de chemin. Ils ont fait là un chemin. Tu marches, tac, tac, tac, tac, tac, tu arrives là-bas. C'est le chemin. Le chemin peut avoir d'autres saveurs, d'autres visuels, d'autres images. Mais il faut que l'humain comprenne, même si l'humain a des mutations, il y a des individus qui ne sont plus dans leur monde. Ils ne peuvent pas changer de monde. Ils changent égoïquement. Ils ont encore un petit peu trop d'ego. L'ego les change, les ramène, les change, les ramène. Il y a quelques-uns qui vont un petit peu plus loin, ils reviennent. Mais quand tu as aussi ce savoir au niveau de la mécanique temporelle, du continuum, de tout ce qui en est, et que tu as commencé une mutation physique, c'est-à-dire que déjà là, ta nature n'est plus, ou beaucoup moins, ta nature est un petit peu moins à la recherche de la misère. Parce que l'autodestruction, si tu connais les mécaniques de tes démarches dans le temps, là, effectivement, tu deviens marcheur temporel. Parce que dans notre continuum, est-ce qu'il y a un endroit où la nature n'est pas à la recherche de la souffrance et de l'autodestruction? Ou est-ce que toujours on va travailler contre... Si il y a... C'est une illusion, notre affaire. C'est une farce. Pense-le, ça existe. La problématique, ce serait facile. Pense-le, puis vas-y. Bon, nous, on y pense, puis les romanciers, ils sont capables d'écrire des choses, des fois, qui sont absolument extraordinaires. Ils vont où? Ils vont là où ça existe. Ils vous comptent des histoires qui se passent. Mais l'histoire qui se passe, ça se passe de milliards de façons différentes. Ça se passe d'une infinité de façons différentes. Mais ils vous comptent des histoires qui existent. Toutes les affaires qu'on voit, les romans, les films, tout ce que vous rêvez, je vous prends tout, ça existe. L'affaire, vas-y. Nous, on y va par la pensée, puis on le ramène. On y va par des canaux, des communications. Les romanciers, j'en suis un, mais les romanciers vont vous dire la même chose, et je fais exactement comme ça. Quand on commence à écrire un roman, on découvre des personnages. On n'écrit pas les personnages. On se dit, moi, j'aimerais avoir tel genre de héros. Parfait, tu commences à écrire ton héros, définir ton héros, puis là, il rajoute ici, tu rajoutes ça. Puis au fur et à mesure du déroulement de ton roman, tu te rends compte que le petit maudit, là, il ne fait pas ce que tu veux. Puis lentement, il y a une personnalité qui s'installe. C'est pas celle que tu recherchais. Puis les meilleurs romanciers vont laisser leur personnage vivre selon leur personnalité. Et c'est là que ça devient appétissant, ça devient correct. Et pour le lecteur, lentement, il finit par connaître les individus. Dans les films, ça va être la même chose. On doit leur laisser une personnalité. Si on prend, par exemple, ceux qui ont vu la poursuite d'Octobre Rouge, on a pris Sean Connery comme russe, capitaine d'un sous-marin, un sous-marin très grand. On a pris un bonhomme qui avait la personnalité de celui que l'écrivain avait trouvé. On a pris quelqu'un qui pouvait aller avec lui, parce que la personnalité existait déjà. Les romanciers, c'est ce qu'ils font. Ils vont simplement fouiller, ils rencontrent des mondes qui existent, ils prennent des informations là-dedans, et puis là, ils se rendent bien compte que ça ne vit pas comme ils veulent. toi, quand tu dis pense-y puis vas-y, c'est, pour moi, ça fait la référence que bon, tout ce que tu as expliqué, la mutation, quand elle est ardue, tout ça, c'est toute l'autoroute qui fait plein de sinus, là, qui est sinusoïdale. Puis de pense-y puis vas-y, c'est le raccourci entre les deux. C'est ce que c'est. Bon, mais évidemment, il faut parler de la négoïsation. Quand on dit il y a des gens qui allaient par visualisation, bien, une fois sur 2, 3, 4, 5, 10 000, ça fonctionne. Parce que ces gens-là ont un ego qui a une attraction vers ce que tu visualises. Alors, effectivement, tu glisses dans le temps, tu y arrives. Tu y arrives en fonction de l'ego. Si, par exemple, ton ego établit que c'est dans 10 ans, va être dans 10 ans. Si ton ego établit que c'est dans 10 semaines, va être dans 10 semaines. À la condition que l'ego aille un centre d'attraction vers ce que tu viens de visualiser. Mais si ton ego lui a un centre d'attraction vers une chose, puis que toi, parce que tu es en contact avec ton intelligence, tu visualises un autre futur, tu n'iras pas. Tu vas toujours le sentir, le sentir, le sentir, le sentir. Tu n'iras pas. Parce que ton ego ne va pas là. Ton ego ne s'en va pas là. Puis des fois, peut-être, quand il commence à muter un petit peu, tu touches un petit peu, mais l'ego ne va pas là. Alors, sans arrêt, tu vas avoir l'impression que tu es collé, que tu es collé, que tu es collé, que tu es collé. Tu oublies ça complètement. L'ego ne va pas là. Alors, au lieu de continuer à vouloir y aller, t'arrêtes, ça négoïse un petit peu plus. Tu te désélèves un petit peu plus. Après ça, tu recommenceras. Tu es capable d'y aller. Oui, mais l'ego. Parce qu'il y a de l'ego qui veut du blanc. Il y a de l'ego qui veut. Même s'il regarde sa nature, je comprends. Mais l'ego veut du blanc uniquement parce que ça sert sa nature. Quoi, ça sert à le déprimer, ça sert à dire qu'il n'aura pas. Ça souffrir, c'est d'avoir une différence de potentiel. Ils ont fait des tests avec des enfants. Intéressant. Ils ont pris des petits-enfants en maternelle, ils ont mis dans une garderie, une vingtaine d'enfants, puis ils leur ont donné des jouets cassés. De la moitié des jouets. Un casse-tête qui manque la moitié des morceaux, une poupée qui manque un pied, un train pas de batterie, des jouets comme ça. Ben, les enfants sont rentrés dans la garderie, c'est la première journée de garderie, puis il y avait un paquet de miroirs et du monde qui observait. Les enfants ont joué. Ils ont joué. Ils ont joué avec le tenin, ils ont joué avec la poupée, ils ont eu du plaisir. Une semaine de temps. Quand ils sont venus la semaine d'après, on leur a donné des jouets en parfait état. Une semaine de temps. La troisième semaine, on leur a remis leurs vieux jouets. Là, ils se sont chicanés, ils se sont engueulés, il y avait de la violence, il y avait de l'irritation, il y avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi? Là, il y avait une différence de potentiel. Puis c'était pas juste de « Ah, oh, où est-ce qu'il est là? » C'était pas ça. Il prend la poupée, puis là, il manque le pied. L'autre pousse à côté. « c'est moi qui l'apprends! » Totalement, là, totalement changé. Uniquement parce qu'ils ont connu mieux, sont venus à ce qu'ils avaient. Puis là, l'humain, c'est pas la tristesse, c'était pas la mélancolie. C'était la violence, c'était l'agressivité. C'était ce que l'humain connaît dans la société. Alors, c'est donc bien dans la nature de l'homme, de la femme, de l'enfant, qu'il puisse toucher des bribes de bonheur. Parce que ça lui permet justement de pouvoir nourrir sa nature. Il y a un facteur aussi que la première semaine, je ne sais pas s'ils se connaissaient, mais rendu la troisième semaine, ils sont ensemble depuis plus longtemps. C'est tous des facteurs. Ils ont étudié, ils ont refait l'expérience justement pour éliminer un paquet de ces phénomènes-là. Ils ont pris, en plus, ils se connaissaient déjà au début de toute façon dans le test que je te parle là, sauf que c'était une semaine, des jouets cassés. Mais ils rentraient dans une nouvelle garderie. On avait changé le décor au complet. On les avait amenés à une place qu'il y avait des miroirs, c'était vraiment une salle, puis pas de problème. Mais du moment qu'ils ont pu goûter différence. Avec les mêmes jouets, là. Là, on leur a mis le train avec les batteries, on a remis la poupée au complet, les cassettes au complet. Après ça, on est revenu. Puis c'est la société que ça a créé. Alors, l'humain aime le bien. Combien de bien? Puis le bien, c'est puissant. Le blanc, on parle de bien. Mais c'est puissant. Parce qu'il vous faut une petite dose comme ça. Après ça, d'aller chercher ça de mal. Une petite dose encore. Ouais, je fais ça de mal. Tu sais, c'est le verre, le reste, c'est le poisson. C'est l'équilibre, là. Un petit peu de bien, puis le reste pour... L'humain n'est pas fait pour supporter beaucoup de bien. Quand tu parles de mutation physique, le début de la mutation physique, c'est la mutation endocrinienne. Il faut neuronique pour commencer, puis après ça, elle va devenir endocrinienne. Parce que pour supporter du bonheur, il faut que tu sois plus... endocrinalement, tu sois capable de le prendre. Sinon, tu vas faire sauter... Ben, tu seras malade. Ou tu deviens colérique, parce que moi, tout ce que tu décris, là, puis si je regarde dans ma vie, c'est pratiquement à mon insu. J'ai l'insu de tout le monde. C'est ça, mais à un moment donné, il faut que ce soit plus à mon insu. Il faut que ce soit clair. Il faut que tu te rendes compte que tu es de mauvaise humeur un matin. Il faut que tu te dises, je veux pas être de mauvaise humeur. Non, mais moi, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, même quand je me rends compte que je suis en train que maintenant, je suis moins colérique, moins triste, moins... Même quand je me rends compte de ça, ça aussi, quelque part, c'est à mon insu. Oui, mais ça aussi, il faut que ce soit conscient. Plus ça va être conscient, plus ça va être conscient chez tout le monde, plus ça va être clair pour vous autres, là, que vous êtes dans une farce. Tu sais, ça va être clair. Et plus ça va être clair, plus ça va être clair les mécaniques qui sous-tendent la farce, l'illusion. Et plus les mécaniques vont être claires, plus ça va être clair les leviers des mécaniques. Puis là, du savoir instantané, l'intelligence supramentale, ça passait à la volonté supramentale. Être capable maintenant de changer les choses. Donc, de glisser, de changer de chronotope. Puis quand tu vas avoir la créativité supramentale, tu vas être capable de changer de chronotope sans passer par des chronotopes. Autrement dit, tu vas être capable de partir d'une place puis d'apparaître instantanément d'une autre place sans avoir à traverser des chronotopes pour y aller. Et ça, c'est la créativité. Ça veut dire que j'ai absolument rien sur la table et pouf, il y a un poulet. Parce qu'on a tout glissé là où le poulet était. Mais sans passer par l'apparition du poulet. Exemple, tu es malade, tu vas passer par l'étape de guérison pour arriver à où est-ce que tu n'es pas malade. C'est-à-dire qu'il est malade, il y a un chronotope un peu moins malade, un peu moins malade, un peu moins malade, un peu moins malade, OK? Ce sont des homochrones et il va arriver à où il n'est pas malade. Il peut le faire rapidement, 2-3 jours, les médecins ne comprennent pas trop. Il peut le faire très, très lentement, 2-3 ans, les médecins ne comprennent pas non plus. Ça aurait dû guérir plus vite. Puis il pourrait aussi arriver à la créativité. Comment j'ai une maladie là? Pouf, plus de maladie là. Voilà, bon, on glisse de chronotope. Mais là, bon, avant la créativité, il y a la volonté. Tu as le savoir instantané. Le savoir, c'est quoi? C'est que vous savez. Hein? Après ça, on sait. On ne peut pas rien appliquer. On sait. On sait tout. On essaye, ça ne marche pas. À un moment donné, ben là, c'est la volonté. La volonté, pas la volonté comme l'humain l'entend, la volonté égoïque, là où ce qu'il doit se forcer pour de la volonté. Là. C'est la volonté d'aller plus fumer, c'est pas ça la volonté. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Puis le fait vouloir n'a rien à voir avec la volonté non plus. Bien, ça se traduit que tu veux vraiment. Tu n'as plus de résistance. Tu veux vraiment. Écoute, tout ce que tu veux, tu le veux vraiment, mais sauf que ça n'a rien à voir avec la volonté. Ben, la volonté, c'est que tu fais les choses. Moi, c'est accompli. La volonté, c'est que tu peux accomplir. Bon, accomplir, ça veut dire que tu fais. Mais pour faire, il faut que le contexte. Parce que juste au niveau du temps, quand vous allez voir clairement le continuum, le phénomène spatio-temporel, même faire une chose, je parle présentement et pour parler, je dois changer continuellement de chronotope. Mais dans une façon linéaire, pour que les gens puissent me suivre, changer continuellement de chronotope. Puis vous, pour me suivre, vous changez continuellement de chronotope aussi de façon à ce que vous puissiez ramasser chaque bribe d'information du continuum. Mais comment ça qu'on peut s'accorder à tout aller à la même place? Parce que finalement, c'est ça qu'on fait. Si tu as des affinités avec des individus, c'est parce que tu vas à la même place, tu cours puis tu vas plus à la même place. C'est toute une question de gravité, donc d'affection, d'attraction, etc. Ce qui va aussi amener l'idée de collectivisme. Tu as peut-être, on va dire, 1000 groupes, ton cercle d'amis, dans peut-être, on va dire, 10 000 semblants. Fait que tu peux cheminer à travers tout ça, qui s'en vont toutes. Une masse qui s'en va vers la même affaire, puis là-dedans, c'était mille fois pareil. C'est d'ailleurs pourquoi c'est important de rencontrer les gens, les bonnes personnes, les gens qui, par exemple, sont dans le mauvais chronotope, de façon à créer une masse énergétique qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir se déplacer concrètement dans le chronotope qu'il faut, notre monde, finalement, et rester là. Ah, c'est ça. Parce que tu ouvres le vortex et tu reviens. C'est ça, parce que si je regarde nous autres, ben, au départ, c'était toi qui étais la masse. Oui. Qui traînait le monde. C'est une façon astrale de voir ça. Là. Ensuite, ben là, maintenant, la vitesse commence à changer un peu parce qu'il y a plus que juste toi. C'est en train de changer un peu. Là, on voit la différence de... Ben, au niveau de l'efficacité des voyages temporels qu'on a fait, effectivement. Les premiers voyages qu'on a fait, j'ai amené le monde, là, mais c'était des spécocrons, en tout cas. On en a parlé un peu dans la conférence sur les voyages dans le temps. Et puis, dans les derniers, le paysage au complet change et c'est totalement changé parce qu'effectivement, on n'est plus qu'un à faire le travail. Ah bien, là-dessus, on va passer une bonne fin de semaine et puis on va s'arranger pour changer de chronotope. Avant de quitter notre chronotope, je veux vous informer pour les prochaines conférences. C'est le 15 juillet à 19h30, ici même. Alors, les titres, c'est « Comment développer ses pouvoirs cachés et l'amitié dans l'intelligence ». Notez que pour la journée PMC que je vous ai parlé tantôt, ça aura lieu dans 3 semaines, c'est-à-dire le 10 juillet, et puis vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er juillet.